I'm pain. It's alive! Ce soir, retour aux choses normales. Ce qui en soi est passablement impossible ici, à Réanimation. Donc, mesdames et messieurs, pauvres abrutis de mortels que vous êtes, petites gens sans culture et considérablement influençables, nous allons ce soir démolir votre tronche de cake, vous réduire l'état de poussière radioactive et de résidus bactériologiques. Parce que nous allons vous présenter ce soir la première vraie édition anormale de Réanimation version 2012. Version détériorée et considérablement plus traumatisante. Bref, prosternez-vous les incultes, car est venue l'heure de votre damnation. La rencontre avec vos réanimateurs maudits. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin névrosé, paranoïaque et souffrant de brûlure d'estomac et de son assistant, instable psychiquement, à forte tendance destructive et accablé par d'horribles pustules, parce que vous découvrirez que le pire est à venir. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause we fucking said so. Go! Yeah. desolate is the land of a proud, independent people. Their shores face the shores of France. Many was the shipload of wine and brandy smuggled across the sea in defiance of the king's ruddy man. Many legends have come from this corner of England, but none so widely believed or widely feared as the legend of the marsh phantoms who rode the land on dark, thirsty nights and struck fear into the hearts of all who crossed their path.

je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de l'animation en ce 7 février de l'an de disgrâce 2012. I am fucking Dr. Pain! Et celui qui est à côté de moi est le pustulant gobelin Sinistros. Bon, pasteur, qu'on a réussi à se débarrasser de 2011, on peut se rentrer en 2012. Et grassement. Oui, grassement. Ben, grassement, moi, pas tant que ça, parce que c'est timidement, le mois de janvier, très timide en frais de sortie, mais on va se reprendre en février. Oh, mais que ça tienne, mon cher. C'est pas parce que les sorties sont timides que nous le serons. Non, ça, c'est sûr. On a débuté cette... Avec du pourri, puis du très pourri. Ouais, effectivement, avec une tendance un petit peu plus heavy metal, parce que le cœur m'en disait. J'ai bu ça. Ouais, on a débuté avec une formation que nous allons revoir sous peu, mais avant, nous avons conclu ce bloc avec la formation Candlemass, formation qui donne dans un heavy doom, et la pièce If I Ever Die, pièce d'ouverture du dernier album Death Magic Doom, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Excellent. Et c'était pour toi, cette pièce-là. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne pièce. Juste auparavant, nous avions Captain Clegg, la formation britannique Cathedral, pièce tirée de l'album Caravan Beyond Redemption, qui est paru en 1998 sur E-Rake. Et Captain Clegg, c'est un excellent film d'aventure de la Hammer Production, mettant en vedette Peter Cushing dans les années 50. Nous avons Merciful Fate et Into the Coven, tiré du très bon album, classique chef-d'œuvre de 1983, premier album de cette formation, Melissa. Excellent album. Tout à fait. Puis en remaster avec les CD bonus qu'il y a dedans. Ah, quel cool. Bel objet, n'est-ce oui, pas? Oui, monsieur. Paru initialement et encore aujourd'hui sur Roadrunner Records, et nous avions ouvert avec Ghost. Pourri, c'est pourri, mais moi, c'est de la belle pourriture. Grand-mère, tu ne connais que dalle. Ghost, formation qui est révélatrice. Eh oui. Tout à fait. Et qui nous proposait en 2010 disons bien paru ici en 2011, un excellent album qui porte le titre de Opus Eponymous, qui est paru sur Metal Blade, et nous avons entendu l'excellente pièce Ritual en ouverture d'émission. Ceci étant dit, Sinistros change sa formule de présentation d'album puisque maintenant, il les mimera. Oui! Il mimera deux pièces de chacun des albums qu'il voudra présenter au fil des semaines. Pendant aux alentours d'une quinzaine de minutes, ben, il n'y aura pas de son. Essayez de vous imaginer c'est quoi. Et voilà. Moi seul pourrais voir où il en est rendu dans la séquence de sa pièce. Ah, on est rendu à 4 minutes 4, là, je le sens. Là. Non, blague à part, Sinistros, tu as changé quelque peu ta formule de présentation. Oui, parce que je trouvais que présenter 4 à 5 pièces d'un album, même si nous autres, on peut aimer ça, peut-être qu'il y a certains auditeurs qui peuvent se dire... Bon, on s'en fout de ça. Oui, je le sais, mais moi, je tiens à cœur nos auditeurs pour pas les perdre, parce qu'on va être seul ici dans la cabane à faire notre émission pour nous-mêmes. So même, si on s'en, même si on s'en fout. Même si c'est peut-être ça. Hein? Non, je préfère changer la formule légèrement pour être capable de présenter plus d'albums, parce que... L'an passé, je me suis aperçu que je refoulais, puis j'ai pas pu présenter tout ce que je voulais présenter. Fait qu'au lieu de présenter deux albums de cinq tunes, je vais en présenter trois par émission, mais juste deux pièces par album. Okay. Fait qu'en même temps, vous irez voir mes critiques sur hurlemort.com, sur réanimationad.com. Je fais un topo du dit album, puis sur Hurlemort, je mets un extrait sonore aussi qui sera différent de ce que je présenterai ici. Et extrait sonore qui généralement se résume à ting. Non, tout. Ah, ça marche plus. Bref, mais ce soir, j'ai juste un seul album. Je voulais présenter aussi l'album de Lamb of God, mais je me suis dit que ça vaut pas la peine. On passe à un autre appel, fait que. La semaine prochaine, j'en présenterai trois. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas été très emballé par ce dernier album-là. Bon, c'est parce qu'à un moment donné, ça commence à tourner comme en rond. Là, c'est... Oui, effectivement. Mais bon, écoute, il reste que dans le genre, parce qu'eux autres sont vraiment metalcore, là, ils sont pas vraiment metal-lastique, là, comme on a pu voir. Là. Non, mais c'est du vrai metal. Ils se démarquent, là. Ils se démarquent. Metalcore, groove metal. Groove metal, effectivement. Ils se démarquent bien quand même, là, à quelque part. C'est sûr. Nous aurons aussi une chronique cinéma que je partageais avec Sinistros, parce que c'est un film que nous avons vu, en fait, à une semaine d'intervalle, lui et moi, qui nous a plu à tous les deux. Mais histoire de ça rend malade un petit peu, là. Tu sais que le Hellfest en France, parce que la danse en France se pratique en cadence. Et si on avait des... Moi, faudrait parler à Godasse là, pour qu'il nous fasse un fest de même, cette, là, à Trois-Rivières. Oui, oui, mais c'est parce qu'à Trois-Rivières, un fest. En tout cas, bref, je pense que c'est en vente présentement. Les billets sont en vente, mais juste pour le fun, on va se dire les gros, les headliners sur les principales scènes. Il y a trois jours de Hellfest, soit le vendredi 15 juin, 16 juin et dimanche 17 juin. Megadeth, Leonard Skinner, Guns N' Roses, Wedded in Temptation, Black Sabbath, Motley Crue, Blue Oyster Cult, Uriah Heep, King Diamond, Dropkick Murphy, Machine Head, Exodus, Sacred Reich, Lamb of God, Travian, Hatebreed, Devil Driver, Cannibal Corpse, Obituary, Entomb, Napalm Death, Aborted, Children of Bottom, Suffocation, Brutal Truth, Amon Amart, Satyricon, Moon Sorrow, Behemoth, In Extremo, Enslave, Demo Borgir, Arcturus. Arcturus qui se reforme, à ce qu'on peut voir. Semble-t-il. Isan, Tragedy, From Ashes, Rai, je connais pas, Refuse, Darkest Hour, Biohazard, Madball, Hank William III. C'est vraiment le petit-fils de Hank William, là, le vedette du western, du country plutôt, devrais-je le dire. Saint Vitus, Devil's Blood, Sun, The Obsessed, Pentagram. Sun, ça va être bon. Puis je suis même pas capable de lire les bandes qui accompagnent. Les petits, oui. C'est qui trop petit, là. Mais c'est incroyable. Ce que je peux voir, c'est un fest très diversifié. Oui, c'est très cool. Éclaté. Moi, je trouve ça super cool. C'est parfait, ça. Parce que tu choisis le stage qui t'intéresse avec le line-up qui t'intéresse. Comme là, regarde, t'as 3-4 bandes Doom, là, avec Devil's Blood, The Sun, puis Saint Vitus. Saint Vitus. Il y a Yab aussi qui sont là. Écoute, ça risque. Ça doit être trois jours très intense et palpitant. Ceci étant dit, ta première présentation de la soirée, ben, qui risque d'être très intéressante, oui, d'ailleurs. Formation de la République tchèque, qui a pour nom... Moi ça. Oui, c'est ça, clique-moi dans ça. Ça a pour nom Inner Fear. C'est pas leur premier album. Je pense que c'est leur troisième ou quatrième album. Ça existe depuis 1997. Ça, c'est le batteur et claviériste du band. Ben, ça se trouve être l'actuel batteur de Cradle of Filth. Oui. Celui qui est là depuis Nymphétamine. Faut qu'on n'est pas en terrain inconnu. Inner Fear donne dans un style symphonique extrême, un peu à la Cradle of Filth. Oui, un peu, effectivement, oui. C'est sûr et certain qu'on peut pas dénier les similitudes entre les deux bands. Où est-ce que c'est intéressant? C'est au niveau des claviers. Parce que Inner Fear, ils se contentent pas juste à mettre des sons symphoniques comme Cradle peuvent mettre. Ouais. Il y a une ligne de mélodie qui accompagne ça vraiment, qui est vraiment dirigée au clavier. Ben, c'est parce que c'est pété, parce que des fois, ils ont des sons un peu plus industriels, des sons un peu plus techno, un peu plus comme film. C'est bien spécial. Ouais. Puis les vocaux féminins viennent comme agrémenter le côté dark de la musique d'Inner Fear. Moi, j'ai bien aimé cet album-là. Moi, c'est bien, j'aime ça, moi aussi. C'est très bon. Fait qu'on va entendre deux pièces. J'ai choisi de mettre Fear Proclaimed des Imprisoned in Forgotten Dungeon. Un petit peu gothique comme base. Oui, effectivement. Assez vampirique aussi un peu. Tu vas nous enchaîner ça avec quoi par la suite? Ben, par la suite, on va continuer avec Melekech, nos chouchous de réanimation. Ouais. On va entendre du Nakmistium et Panzer Christ, qui est un oublié de 2011. Effectivement. Shame on me. On me too, parce que moi aussi, je l'ai complètement oublié. J'y ai pas pensé pantoute. Ouais, effectivement. Fait que je me reprends ce soir. Ben, allons écouter cette fois-ci deux pièces de Inner Fear. Je suis d'accord avec toi, c'est super bon. Go. Rises in destructive panic. Est-ce que tu penses que les gens ont assez médité? Oui, je pense que oui. Hein? C'est vrai? Ben, je sais pas. On avait dit qu'on était pour changer en 2012. Il semble que c'est très zen, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle qu'en ouverture, j'ai dit que c'était pour être anormal. Oui, c'est très, très anormal. Hein? Je pense que les gens ont assez plané. Je pense que oui. On les assomme-tu un peu? On les assomme un petit peu. Go. Avec quoi? Oh, on peut mettre une pièce encore plus destroy. Tenez-vous bien. C'est une blague. J'aime bien ça faire des petites blagues comme ça, les amis. Go.

bien désolé pour cette chansonnette de Panzer Christ qui nous a abandonné en cours de route. On est comme une baisse soudaine de volume. La pièce n'était pas terminée, mais bon, je sais pas. C'est des choses qui se peuvent. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui se peuvent, ce qui arrive. Ce qui peuvent, c'est ce qui arrive. Eh bien, on vous a bien eu, n'est-ce pas? Avant la pause, on a eu Nakmistium, formation américaine, avec la pièce Nightfall tirée de l'excellent Addicts Black Metal Part 2, qui est paru en 2010 sur Century Media. Mais, avec ce qu'on vous a eu, c'est avant. Oui. On a eu Melekesh avec Non, c'est ça. Ça, c'était la surprise. C'est avec The Ghouls of Nineveh, c'est ça, Nineveh. Mais on vous a fait planer avec When Hallows Candles Collide. C'est en plein, ça. On vous a fait une petite peur. On vous avait dit qu'on était pour changer en 2012, mais vous vous êtes fait prendre, bande de connards. Voilà. Eh bien oui, c'était tiré de l'album The Epigenesis, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Et on a commencé avec Formation République Tchèque, Inner Fear, avec les pièces Fear Proclaimed et Imprisoned in Forgotten Dungeon, qui sont tirés de l'album First Born Fear, qui est paru le 5 janvier dernier. C'était sur pas mal. Independent Records. Oui, un label à connaître, les amis. Et il y en a beaucoup de bandes là-dessus, hein? Oui. Ils font bien, parce que quand tu signes avec eux, t'as le plein contrôle. Ah, ouais, c'est sûr et certain. C'est pour faire un label, Podcast Records. No Future Records. Sinistros, on a vu tous les deux un film à court intervalle. Un film à court intervalle l'un de l'autre. Moi, je l'ai vu le week-end dernier. Toi, tu l'avais vu le week-end d'avant. Oui, moi, je l'ai fait ma critique sur hurlemort.com et toi, la tienne, la figure sur réanimationad.com. Puis, semble-t-il qu'on ça se rejoint pas mal. Ça se rejoint pas mal. Film norvégien. Les Européens, surtout les pays comme un peu scandinaves, ils commencent à nous en sortir des très, très bons... Je sais pas si tu te rappelles la trilogie Millennium, qui était suédois. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi je parle. Ben oui. D'accord. Qui était suédois, qui était merveilleusement bien tourné. Ben maintenant, on a un film norvégien qui a été tourné comme un documentaire. Ouais. Le producteur a même poussé l'audace en affirmant que c'était Footage. Ouais, des cassettes qu'il avait trouvées de 380 minutes de... De prise de vue révélatrice, ouais. Et qu'en date d'aujourd'hui, personne ne put dire s'il s'agissait de faits réels ou c'était de la fiction. Même le gouvernement norvégien essaie de taire l'affaire. Effectivement. On parle ici du film Troll Hunter ou Chasseur de trolls, qui est traduit en norvégien par Troll Jørgaren. C'est un film qui est paru en 2010. Oui. Et c'est du producteur André Øvredal. Je sais pas si je prononce l'Øvredal comme il faut. Øvredal, voilà. Qui met en vedette Otto Jaspersen, Robert Stoltenberg et Knut Nærum. Écoute, pour mettre un peu les auditeurs en contexte, des étudiants universitaires décident de faire un reportage parce qu'il semble y avoir... Des pirates de l'ours. Des pirates de l'ours. On retrouve des cadavres, des carcasses d'ours qui se sont étrangement affaissés à des endroits inopportuns. Et il y a aussi une histoire qui tourne autour d'un étrange braconnier qui est très mystérieux. Donc, ces étudiants-là décident de vouloir faire une espèce de reportage dans le cadre d'un... Sur le braconnage des ours. Oui, c'est ça, mais dans le cadre peut-être un peu scolaire, si on veut, là, pour... bon. Et puis, ils se heurtent à ce mystérieux braconnier qui est très très rébarbatif à vouloir collaborer avec eux. En voulant dire qu'il veut rien savoir. Il veut rien savoir, c'est ça. Il est très solitaire, il fait ses trucs de nuit, étrangement. Puis les gens qui vivent un peu près d'où il est en campement avec sa roulotte connaissent absolument rien de lui. Mais ils insistent, et puis finalement, à force de devenir insistant, au risque de me répéter, il acquiesce. Puis il dit, OK, vous voulez savoir ce qui se passe? Venez avec moi. Fait qu'il leur donne rendez-vous le lendemain, à la tombée de la nuit. Et puis, il se rend compte que le gars, c'est un chasseur de trolls. Il va en forêt très sombre. C'est quand montagne. Il sort, il fait troll! Oui. Et sur le moment, les autres ne croient pas à ça. Ils disent, y a-tu du troll vraiment? Y a-tu vraiment du troll? Ça? Et c'est effectivement le cas. Parce que lui est engagé par le gouvernement pour empêcher les trolls de dépasser ce qui serait un peu son vœu. Leur limite. Leur territoire, leur réserve, son vœu. Pour empêcher les trolls d'aller vers les endroits qui sont habités, puis de. Parce que les trolls ne pensent qu'à bouffer tout ce qu'ils trouvent. Ben, y compris, j'imagine, les humains, là. Ben, moi, j'imagine qu'ils ont peut-être un petit gâteau. Quoi qu'il semble-t-il qu'ils ont un maître choix qui sont les pneus. Ils adorent mastiquer les pneus. Mais, bon, à la base, comme ça, ça a l'air d'être un peu cucu. Mais c'est très bon comme film. C'est très, très bon. C'est très premièrement, c'est tourné à l'épaule, un peu à la. L'instigateur un peu du film qui est Blair Witch Project, mais beaucoup moins étourdissant que de Blair Witch Project. C'est vraiment, c'est caméra à l'épaule, mais les prises de vue sont bonnes. Les prises de vue sont pas achalantes. Et des très beaux paysages. De très beaux paysages, et les trolls sont géniaux. Ah ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment génial. Surtout dans de la façon qu'ils sont faits quand il met ses lunettes de nuit, là. Oui, absolument. C'est cool. L'animation est vraiment très, très bonne. Et puis, un troll, c'est une créature qui est stupide, mais aussi très dangereuse, mais aussi énorme. Le premier troll qu'on voit, qui est un troll à trois têtes, il explique qu'est-ce que c'est trois têtes, puis il dit, ben, en fait, il dit, ce sont des excroissances qui poussent quand ils sont adultes, puis c'est pas vraiment des têtes, c'est des artefacts qui permettent d'intimider leurs congénères ou leurs ennemis. Mais à la fin, quand on voit le dernier troll géant, c'est hallucinant. Moi, je sais pas si toi tu le recommandes, mais moi, oui. Fortement. Moi, au moins un 8 sur 10 facile. Là. Moi, je l'ai coté 8 sur 10. Troll Hunter. Comme je disais d'habitude, j'aime pas les films caméra à l'épaule. Celui-là, c'est très bon. Vraiment excellent. Il y a un film qui va sortir uniquement en DVD et Blu-ray le 14 février prochain qui s'appelle The Mortician. C'est un film qui raconte... Ah, on pourrait l'éviter, lui. Oui, effectivement. ça met en vedette Method Man. Tu dois connaître Method Man. Eh, Seigneur, oui. Ouais. Mais écoute, ça a l'air bien. Ça a l'air très, très méchant comme film. Ça raconte brièvement l'histoire d'un comment on appelle ça, de pompe funèbre. Un mortician en français, c'est... Un pompe funèbre. Un entrepreneur de pompes funèbres qui découvre un soir, caché dans sa morgue, quelqu'un qui semble fuir, un jeune qui semble fuir. Finalement, il se rend compte que le jeune est comme poursuivi par des voyous. Puis, brève discussion des deux. Finalement, Mortician dit, bien, regarde, je vais te donner un coup de main, mais ses méthodes sont très peu gentilles, pour ainsi dire. Ça, je te dis, on pourrait l'inviter. On pourrait l'inviter, effectivement. Donc, le 14 février, Mortician en DVD et Blu-ray. Présentement en salle, mais ça c'est sous réserve, certaines salles, The Innkeepers est présentement projeté, ça risque d'être excellent comme film. Woman in Black, t'as vu les previews? J'ai vu les previews cette semaine. C'est vraiment cool, oui, là, comme previews. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, possiblement le film qui va permettre à Daniel Radcliffe de sortir de son personnage d'Harry Potter. Je le crois. C'est en salle présentement, c'est en salle partout. Woman in Black, c'est un film de James Watkins. C'est un film très gothique qui parle évidemment de hantise et ainsi de suite. Le 17 février, c'est Ghost Rider 2 3D, Spirit of Vengeance. En 2012, le 30 mars en 2012, on annonce un film qui va sûrement te plaire à toi aussi, c'est Wrath of the Titans. Mmh. Là, j'ai bien hâte de voir ça, moi aussi. Il y a un film qui reste d'être intéressant, qui met en vedette Ed Harris, Andy Garcia, William Fincher, c'est Phantom, c'est en 2012, il n'y a pas de date d'arrêté encore. Dracula 3D pour 2012, Texas Chainsaw Massacre 3D pour, qui était fait en 2011, qui est apparu pour 2012. En 3D, c'est quoi le sang, t'en revois dans la face? Ben, tout à fait. Mmh. Et un film qui sera apparaître en 2012, mais possiblement plus en 2013, on parle de The Hobbit. Par Peter Jackson. Il parlait de décembre 2012, mais en tout cas. D'après ce que j'ai pu lire le week-end dernier, c'est peut-être plus 2013. Ça risque d'être peut-être janvier 2013. Bref, c'est à suivre. Côté musique maintenant, j'ai eu une demande spéciale la semaine dernière de John Supper. J'ai oublié la mienne, John, excuse-moi. Ça sera la semaine prochaine. Shame on you. Eh oui, de l'oublier. Demande spéciale concerne la formation Old School Death Metal Obituary. Et étrangement, on a un auditeur, Claude, je crois que c'est Claude Francœur, si je ne m'abuse, qui m'écrit depuis un certain temps quelques courriels pour me dire qu'il aime bien le death metal, ces choses-là. Et il me demandait, je crois que c'est le week-end dernier, qu'est-ce que je pensais d'Obituary, sans ne pas avoir eu l'occasion d'en écouter. Ben bref, on va faire une pierre deux coups, on va faire découvrir Obituary à Claude, on va faire satisfaire John Supper avec une pièce qui est tirée de l'album World of Minds, and I fucking don't care. Down to hell, and I think the living are

Wow, wow, si tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70 Boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Je suis prêt. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur C'est fou 89. Toute une semaine. Le Dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 41-70, Boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. 89. Oh. 20h43 et on vient d'écouter un excellent bloc de death metal qui se concluait par ceci, Behemoth et la pièce At the Left Hand of God, qu'on retrouve sur le très bon album The Apostasy qui est paru en 2007 sur Century Media. Behemoth qui sont présentement en studio pour la continuité. Apparemment, Nergal est en top shape. On va avoir droit à un nouvel album en 2012. Effectivement. Et ils seront, Behemoth, en compagnie de Watain, The Devil's Blood et In Solitude, le mercredi 9 mai à 19h au Club Soda. Au coût de $26.09 et $30.44 plus taxes et pour tous. Et c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Nous avions juste auparavant la formation Nile, formation Made in USA et la pièce Lashed to the Slave Stick que l'on retrouve sur Annihilation of the Wicked qui est paru en 2005 sur Relapse. Une pièce Demolition, Majesty and Decay qu'on retrouve sur l'album éponyme qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Ton cousin Sinister. Et la pièce de Grey Massacre, pièce d'ouverture de l'album Afterburner de 2006 de Nuclear Blast également. Meshuga et la pièce Dehumanization que l'on retrouve sur Cash 33, pardon, qui est paru en 2005 sur Nuclear Blast. C'est le pire album de Meshuga, il faut que j'en convienne. Par contre, bonne nouvelle, le 27 mars 2012, Meshuga sort le nouvel album qui portera le nom de Colosse. Et nous avions ouvert avec une pièce de Obituary, formation américaine également, et la pièce I Don't Care, tirée d'album World Demise. Album qui est paru en 1933 sur l'étiquette Deutsche Grammophon. En 32. Non, album qui est paru en 94 sur Roadrunner. Ben, il y a un Deutsche Grammophon, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que tu te rappelles le label Noise. Non, c'est pas eux autres qui avaient signé White Vod. Hein? Non, pas eux autres. Okay. Eh bien, les grands propriétaires de ça, c'était Deutsche Grammophon. Deutsche Grammophon? Sérieusement? Oui, oui. Ah, oui? Ben, les intérêts, mettons, okay. Noise appartenait à un tel qui lui était appartenu par Deutsche Grammophon. Ah, oui? Oui, c'est juste. Des années-lumière l'un de l'autre, là, côté style. C'est pas grave. C'est une des références dans le classique Deutsche Grammophon encore aujourd'hui. C'est le label de classique. Tout à fait. Ceci étant dit, justement, on va poursuivre cette petite chronique spectacle puisque mercredi le 15 février prochain, et si je ne m'abuse, c'est comme la semaine prochaine, ça? Ça me dérange pas. Moi non plus. C'est In Flames en compagnie de Trivium, la formation préférée de Sinistros, Veil of Maya et King. C'est au Metropolis le 15 février à 19h30. Bien que ça va être bon. Je sais pas, là. Moi, je me prononcerai pas là-dessus, là. C'est pour tous au coût de $30.72, 35 et 10 plus taxes via Ticketmaster, Children of Bottom, Illuvites, Revocation, Trade Signal, lundi le 27 février de 19h au Metropolis, 35 et 10, 39 et 49 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster, Bayside, Jungle Rot, Abigail Williams, L'Équerros Nocturné, dimanche le 4 mars, 19h. Jungle Rot est pas là? Hein? Jungle Rot n'est pas là? Oui, des sites Jungle Rot avec Pew. Williams, le cœur sur tournée, oui. Fofounes électriques, dimanche le 4 mars de 19h, au coût de $20 et $25, taxes incluses, disponible via admission. Nous y serons! Eh oui. Pagan Fest, America Part 3, Mettant en vedette Tourissas, Ice Storm, XDO, Arcona, Huntress, dimanche le 1er avril, 19h, au Club Soda, au coût de 26,33 et 30,72. Plus taxes, c'est pour tous, c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Le super spectacle mettant en vedette Hopeth, Mastodon et Ghost, vendredi 6 avril prochain, de 20h, au Metropolis, au coût de 41,75 en pré-vente et 52,15 à la porte. Le soir du spectacle, c'est pour tous, c'est disponible, je pense que c'est par le site des Evencon pour les avoir. Et nous y serons aussi. Eh oui! Sabaton, Eclipse Prophecy, c'est le 7 mai au Petit Campus, au coût de 20$ et 25$. Billet VIP à la porte à 18h30 au coût de 50$. 50 cents, ça arrête en masse. Oui. Et le mercredi 9 mai, c'est Behemoth, on l'a annoncé tout à l'heure, et c'est en compagnie de Watain, Devil's Blood et In Solitude au Club Soda. Ceci étant dit, maintenant, it's up to you. Et on va commencer avec une formation américaine qu'on a pu voir à notre plus grand plaisir au Trois-Rivières Metal Fest 2011. Et j'ai nommé la formation athéiste. On va entendre la pièce Fictitious Glide. C'est tiré de l'album Jupiter, qui est paru en 2010 sur Season of Mist, qui est un excellent album à se procurer, bien évidemment. Effectivement. Et tu sais que j'ai la version Picture Disc? Maudit chanceux. Oui, hein? Oui. Moi, j'ai vu. J'ai mis en exposition dans mon laboratoire. J'ai vu le Picture Disc de Element, là. Non, c'est Picture Disc d'Element que j'ai, c'est vrai. C'est Element. C'est très bien. Mais je l'ai eu en cadeau, en fait. Ah, oh, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, j'aime ça, Picture Disc, mais j'ai pas le goût d'y faire jouer. Non, des peintres, tu brises ton aiguille. Hein. Ah, ça déteint pas, ça? Non. Ah, OK. OK, Fictitious Glide, voici Atheist. Yo! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriote. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour. Encore aujourd'hui, le garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de tirouille et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le garage Yves Gauthier, des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. QuébecPunkScene.net, le site de l'actualité punk, ska, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, QuébecPunkScene est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Welcome to our Black Mass. Mes bien chers frères. Non, c'est vrai. Mes bien chers frères. Le chanteur de Ghost qui l'a dit. OK, on vient d'entendre. Ben avant la pause, parce qu'on vient d'entendre la pause. Là, oui. Nous, pendant la pause, ben, on chiolait contre le hockey. Puis des. Hey, non, mais. Faut des joueurs de 7,5 millions qui, cette semaine, ont fêté son premier anniversaire sans. Un Christy de Gaulle, ça c'est. Félicitations, mon champion. Vive les sports professionnels. Ben, moi, on va rester dans la musique. C'est moins payant, mais c'est pas mal plus trippant. Effectivement. Et combien plus gratifiant. Et oui. Hein, on vient d'entendre, avant la pause, la formation américaine ILSA, avec la pièce Frost Thrower de l'album Tutti il Colori del Buio, qui est paru en 2010 sur Contagion Records. Qui avant s'appelait ULSE. Ulysses. Tout juste avant, on avait la formation britannique Electric Wizard avec l'excellente Black Mass qui est tirée de l'album Black Masses de 2010 qui est apparu sur Rise Above Records. Ouais, c'est ça. Black Mass, c'est ça. Tout juste avant, on a eu nos cornichons polonais de Vader avec la pièce I Am Who Feast Upon Your Soul. Qui est tiré de Welcome to the Morbid Rite, sorti en 2011 sur Nuclear Blast. Très bon album. On a eu Anal Track avec Todd Wettet Webel, tiré de Passion de 2011 sur Candlelight. Et excellente formation américaine et théiste avec Fictitious Glide, paru sur Jupiter en 2010 sur Season of Mist. Tout à fait. La semaine prochaine, j'ai l'impression que je vais faire un spécial. Spécial de rien par tout. Exactement. Spécial Cornflakes. Non, je sais pas. Je vais probablement me passer une bulle pour faire quelque chose de particulier. Là, genre, quelque chose que je fais jamais. Spécial Death Metal. C'est pas vrai. Ah, OK. C'est bon. Non, je sais pas, mais j'aimerais faire de quoi de particulier, mais j'ai pas encore trouvé d'idée, honnêtement. Ou on pourrait se taper un trip de faire des spéciaux uniquement des mêmes labels. Ah, ça serait cool. Ouais. Ben, peut-être pas semaine prochaine, là, pour le temps d'y penser. Ouais, éventuellement, ça serait bon. Donc, il est 21h18, vous êtes toujours à l'antenne de CFOU 89,1, Radio Campus de Trois-Rivières, et qui plus est, Wanted Incorporated Show, réanimation en compagnie de ce gobelin qui est sinistro, c'est de moi-même, Dr. Pain Pendragon, et ça jusqu'à 22h, donc il nous reste encore quelques 42 minutes ou presque pour vous inculquer quelques notions musicales métal fort intéressantes, et cette fois-ci, nous allons faire une incursion dans un monde, du moins, pour le début de ce bloc, un petit peu plus électro-industriel. Pagnon. Ah oui. Avec la formation qui vient de Sion, en Suisse. Sion. Samael. On va entendre, entre autres, du Cradle of Filth aussi, tirer une pièce tirée du dernier album. Mais allons-y immédiatement avec Year Zero, tiré de l'album Eternal Samael.

21h40, on voulait vous faire languir un petit peu. Long Sinistro, c'est en train de me raconter une sacrée bonne blague. On vient d'entendre à l'instant la formation Septic Flesh et la pièce When All Is None, tirée de l'album Sumerian Demons, qui est paru en 2003 sur ses anonymes. C'est différent du dernier album. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que non. Oui, parce que non. Non, ben c'est plus gothique. OK. C'est un album qui voyage beaucoup. Il y a certaines pièces à peu près uniquement du keyboard à certains moments donnés. Là. Moi, je trouve excellent cet album-là. Vraiment bon. En fait, à date, tout ce que je connais de Septic Flesh, je le trouve très bon. Bon, ça va être à se procurer. Effectivement, auparavant, nous avions les Britanniques de Cradle of Filth et la pièce de Saving Eyes que l'on retrouve sur Darkly, Darkly, Venus Aversa, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast, la dernière parution full-length, si on veut, et originale de cette formation, qui, soit dit en passant, semble-t-il, n'est pas très bonne live. C'est un peu comme des Mo Borgir, c'est très symphonique, puis ils peuvent pas vraiment leur produire live. Ah, OK, oui, OK, je comprends. Cradle of Filth, j'ai entendu dire que live, il y avait un peu de difficulté. Ben, il semblait que Danny Filth en a beaucoup. Fait que, mais ça m'étonne pas. Parce qu'entre toi et moi, c'est pas un chanteur né, ça. Là, non, c'est un chanteur né. Oui, aussi. Effectivement. Nous avions Alastis juste avant et la pièce Just Eight, pièce d'ouverture de l'album Revenge de 1998 sur Century Media. Et nous avons ouvert avec Samael, les fromages suisses, et la pièce Year Zero, pièce d'ouverture de l'album Eternal, qui est paru en 1999 également sur Century Media. Et une fois de plus, ben évidemment, c'est normal, c'est la norme que doit être le tour de un après l'autre présenter ses pièces. C'est toi qui clôt l'émission. C'est ça. Eh bien, on va former avec un bloc thrash metal. On va avoir Havoc, formation américaine. Bonded by Blood, une autre formation américaine. Et formation norvégienne qui a pour nom Harm. Si on a le temps, ben on verra. J'ai deux autres choix là qui peuvent faire la part de la fin de l'émission. Si on a du temps. Allez, écoutez, Havoc. Ben, allons-y avec une pièce qui s'appelle The Path to Nowhere, qui est tirée de leur premier album paru en 2009 qui s'appelle Burn. Go! Go! We'll be right back.

ça tire à sa fin. Eh oui, formation norvégienne Harm, la pièce My Demon qui est tirée de l'excellent album Demonic Aliens paru en 2011 sur Battle God Records. Tout juste avant, on a eu la formation américaine Bonded by Blood avec la pièce Episodes of Aggression qui est tirée de l'album Exiled to Earth de 2010 sur Earache Records. Earache s'en vient très bien comme label. On va savoir une coupe de bons bands. Ouais, il était un petit peu inégal à un certain moment. Oui, oui, mais là, ça s'en vient quand même. C'est une bonne lancée. Et on a commencé avec Havoc, avec la pièce The Path of the, To Nowhere, excusez, avec la pièce sur l'album Burn de 2009. Paru sur Candlelight Records. Il a fini par le dire. C'est le temps qu'elle finisse. Les... Trois-Vieux Metal vous présente samedi le 3 mars au Rockefeller Stage Blind Witness, Hopeless Nation, Hear My Words et Devil Drowned. C'est à 19h. Le spectacle débute à 20h. C'est 12$ et c'est pour tous. Trois-Vieux Metal vous propose également samedi le 10 mars au Rockefeller Stage Blackguard, Blinded by Fate, Morgue et Northeam. C'est l'ouverture des portes est à 19h le 10 mars, un samedi. Le spectacle débute à 20h, c'est 12$ et c'est pour tous. Samedi 14h, Viril Rockefeller Stage, c'est toujours Trois-Vieux Metal, On Expect, Obscurcis Romantia, Troll Hames et Carcaos. Porte 19h, spectacle 20h, c'est 15$ et c'est pour tous. Et les dates du Trois-Vieux Metal Fest 12e édition sont sorties. On parle de vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre prochain. Toujours au même endroit, 1760 avenue Gilles Villeneuve à la bâtisse industrielle. Les détails seront à venir au fil des mois à venir. Eh bien, l'émission tire à sa fin. Il nous reste une dernière pièce à vous présenter, celle de Sinistros, évidemment, puisque c'est à lui qu'incombe toujours de clore ses éditions de réanimation. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres épouvantableries. Et bien sûr, nous serons sûrement pires. Ah oui, et bien plus encore. Alors, on termine avec une pièce de 1996 de la formation américaine Vision of Disorder qui effectue un retour en 2012 avec un nouvel album qui est à prévoir. On entendra la pièce Element. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.